J'ai tué mon frère, je suis maudit, je ne suis rien qu'un criminel. Mais du haut de ton paradis, toi tu m'as pardonné, Abel. Alors Seigneur, je vais trimer, travailler comme un vrai forçat. Toi aussi tu vas pardonner aux misérables que voilà. Je vais courir sur les chemins, j'irai jusqu'à l'est d'Éden. Et de l'esprit et de la main, je vais aider la race humaine. Je ferai pousser les moissons, je vais rassembler les troupeaux, repeupler les eaux de poissons, donner de la graine aux oiseaux. Là-haut, tu seras fier de moi, je te serai toujours fidèle. Et le jour où tu le voudras, tu conduiras mon âme au ciel. Tu conduiras mon âme au ciel. J'ai tué mon frère, je suis maudit, je ne suis rien qu'un criminel. Mais du haut de ton paradis, toi, tu m'as pardonné, Abel. Toi, tu m'as pardonné, Abel. L'amour d'Adam et Ève, le pardon que réclame Cain, voilà des indices pour enfin trouver cette clé. Comme ça, toi aussi, tu cherches la clé de la vie. Comment le savez-vous? Je le sais. Je l'ai cherché aussi. Mais j'ai compris une chose. Le pardon est sur le chemin. Un chemin qui peut te conduire jusqu'à la clé de la vie. Cain, où allez-vous? Je te laisse. Tu as encore beaucoup à faire. Merci, Cain. L'histoire a fait de vous un monstre, mais vous regrettez tellement fort ce que vous avez fait que votre frère Abel vous a peut-être déjà pardonné. Merci, Dolly. Et adieu. Oh, eh ben, j'ai bien cru qu'il allait nous bouffer. Hein. Eh, heureusement que j'étais là pour l'impressionner. L'impressionner? Toi? Mais t'es resté planqué tout le temps. Mais pas du tout. Je mettais au point une stratégie d'attaque, au cas où... Ah ouais? Et une stratégie de quel genre? Genre, j'ai un secret caché. Quand on m'énerve, je me transforme en dragon. Mais c'est quoi ce secret bidon? T'as vu ça où? Je m'informe, moi. Je m'instruis, je m'enrichis à la moindre occasion. Chut! T'as entendu? Oh, j'ai l'impression que le sol tremble. J'ai senti une goutte. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir dans la chambre. Pleuvoir dans la chambre, ouais. Et pourquoi pas un raz de marée? Accroche-toi, Philippe. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être secoué. Ah, au secours, Philippe, je te vois plus. Moi non plus. Je me vois plus. Viens, je vais t'attraper. Au secours, je sais pas nager. Ah bon, mais tu m'avais raconté que t'avais nagé avec des dauphins. C'était pour que tu m'emmènes à la piscine avec toi. Regarde là-bas, il y a une espèce de bateau. Je crois qu'il vient à notre secours. Mais je vois rien. Je coule, je suis un bébé d'eau. Je gonfle comme une éponge. Approchez-vous, les amis. Ah, merci, monsieur. Eh, hey, n'oubliez pas, je suis juste en dessous de la vague, coincé entre la rame et la bouée. Accrochez-vous à mon bras. Ah, merci, Moussaillon. Vous êtes bien aimable. Mais qui êtes-vous? Je suis Noé. Noé? Noé? Celui de l'Arche de Noé? Évidemment, c'est moi. J'ai jamais rien compris à votre histoire. Vous avez sauvé des animaux, c'est ça? On peut voir ça comme ça. Mais je vais vous expliquer. Ça va durer combien de temps, cette explication? Parce que si on ne me donne pas une serviette tout de suite, moi, je me transforme en flaque d'eau. Philippe. Ah, laisse-le, il a raison. Tenez, voilà des serviettes et des couvertures. Merci, monsieur. Alors, cette histoire? Bien, sur la Terre, les hommes sont devenus fous. Ils ne respectent plus rien, ils ne se respectent même plus entre eux. C'est devenu n'importe quoi. Alors Dieu m'a demandé de construire ce grand bateau et d'embarquer à bord tous les animaux pour les sauver. Le temps d'un gigantesque déluge. Un déluge que Dieu a provoqué pour punir les hommes et pour ensuite reconstruire un monde meilleur. Ça veut dire qu'en ce moment, un déluge balaie la terre pendant que nous avons trouvé refuge ici, dans l'arche de Noé? On vient d'échapper à un bon rhume, quoi. Vous avez donc dû tout abandonner et construire rapidement ce bateau pour sauver tous ces animaux? Merci Noé, car sans vous, il n'y aurait plus rien sur la terre. Oh, mais c'est quoi cette colombe qui arrive? C'est moi qui l'ai envoyée, pour vérifier que le déluge est bien terminé et que le calme est revenu sur la terre. Ah, d'accord. C'est pour ça que plus tard, la colombe deviendra le symbole de la paix. Exact. Voilà, la tempête vient de se calmer. Allez les enfants, on va pouvoir débarquer maintenant. Ouvrez les portes, le soleil est de retour.